La vaccination, booster de pandémie? Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende dire que les personnes non vaccinées sont responsables de la pandémie qui persiste. La pandémie des non vaccinés, c'est le slogan par excellence. Mais cela correspond-il à la réalité? Regardons les chiffres officiels. Selon ces chiffres, en Allemagne, du mois d'août au mois d'octobre 2020, alors que 100% de la population était encore non vaccinée, on a officiellement recensé 1377 morts du Covid. Au cours de la même période, en 2021, 3718 personnes sont officiellement décédées du Covid, c'est-à-dire 2,5 fois plus. Selon le ministère fédéral allemand de la Santé, 75% de la population âgée de 12 ans et plus était toutefois vaccinée au 30 octobre 2021. S'il s'agissait réellement d'une pandémie des non-vaccinés, de sorte que seuls ces derniers seraient touchés, les 25% non vaccinés devraient tomber malades ou mourir au moins 10 fois plus du Covid. Or, ce n'est manifestement pas le cas. En ce qui concerne ces faits, l'Allemagne n'est pas un cas isolé. Ainsi, pratiquement aucun des pays dans lequel plus de la moitié de la population a été vaccinée n'a signalé moins de décès Covid qu'en 2020, au cours de la même période. La plupart des pays ont même enregistré nettement plus de décès et un nombre d'infections plus élevé qu'avant le début des vaccinations. En voici quelques exemples. En Lituanie et en Malaisie, où le taux de vaccination est similaire à celui de l'Allemagne, près de 16 fois plus de personnes sont décédées du Covid en Lituanie au cours des trois derniers mois et 160 fois plus de personnes en Malaisie en comparaison aux trois mêmes mois de l'année dernière. Le comté de Waterford en Irlande présente les taux d'infection les plus élevés, bien que 99,7% de la population âgée de 18 ans et plus y soit vaccinée. Le Kenya n'a pratiquement plus de cas Covid, avec un taux de vaccination d'à peine 2 à 6%. Israël a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid en juillet 2021, avec 60% de personnes vaccinées, bien qu'il ait été le premier pays à atteindre un taux de vaccination aussi élevé. Une étude israélienne portant sur 23 patients infectés par le Covid lors d'une nouvelle épidémie dans un hôpital montre que sur les 21 patients entièrement vaccinés, 5 sont morts et 10 autres ont eu une évolution modérée ou critique de la maladie. En revanche, les 2 patients non vaccinés n'ont eu qu'une évolution bénigne de la maladie. Aux États-Unis, une analyse faite dans 2947 des 3144 comtés montre que les 3 comtés qui ont les taux de vaccination les plus élevés, plus de 90%, ont tous un taux de contagion élevé. En revanche, sur les 57 comtés ayant un faible taux d'infection, 15 d'entre eux ont un taux de vaccination inférieur à 20%. Une étude comparative mondiale portant sur 68 pays montre que les pays à faible taux de vaccination ont moins de cas de Covid que ceux à un taux élevé. Comment alors expliquer que des taux de vaccination élevés entraînent généralement des taux de mortalité et d'infection au Covid plus élevés? L'une des raisons semble être l'efficacité insuffisante des vaccins. Le ministère israélien de la Santé a déterminé que l'efficacité de 2 doses de vaccins de Pfizer-BioNTech était nettement inférieure aux 96% indiqués dans l'étude d'autorisation. Pour les vaccinations datant de 3 à 6 mois, la protection moyenne contre une infection avec symptômes n'était plus que de 39%. Pour les personnes vaccinées depuis plus longtemps, la protection n'était même plus que de 16%. D'autre part, de nombreux scientifiques et médecins éminents ont averti à l'avance que les vaccins n'étaient pas sûrs et pouvaient entraîner de graves problèmes de santé. L'un d'entre eux est le professeur Zoukari Bakdi, spécialiste en microbiologie et en épidémiologie infectieuse. Il a déclaré qu'une inflammation causée par le SARS-CoV-2 pouvait être renforcée par les amplificateurs immunitaires contenus dans le vaccin. Et ce que je vais vous dire, c'est mon hypothèse, dont j'aimerais qu'on discute. Les amplificateurs immunitaires renforcent l'émission de messagers immunitaires qui augmentent l'inflammation. Cela signifie que si vous avez une infection virale et que vous développez une inflammation et que des amplificateurs immunitaires sont impliqués quelque part parce qu'ils ont été injectés auparavant, alors cette inflammation est renforcée par le SARS-CoV-2. Le docteur Carey Madey, spécialiste en médecine interne et en ostéopathie, estimait également qu'il y aurait plus de décès et une fréquence plus élevée de maladies suite à la vaccination. Supposons donc qu'il nous administre ce vaccin. Tout le monde a l'air bien au début, non? Et puis que se passe-t-il si ces personnes sont exposées à un simple rhume, une grippe, un Covid-20 ou quoi que ce soit de semblable? Je m'attends donc, tout comme mes collègues, à plus de décès, plus de morbidité, plus de problèmes. Et je soupçonne qu'ils ne vont pas rejeter la faute sur le vaccin, car les fabricants de vaccins ne peuvent être tenus responsables pour le moment, mais ils se contenteront de dire « c'est à cause de la nature même de ce nouveau virus ». Ils accuseront le virus. C'est pourquoi nous devons être très prudents, car ce vaccin n'est pas sûr compte tenu des données dont nous disposons jusqu'à présent. Il s'agit donc d'un vaccin non seulement peu efficace dans la lutte contre la pandémie, mais qui pourrait même, comme le suggère l'analyse des pays, avoir un effet amplificateur. Mais au lieu de faire un débat public sur ce sujet et de parler de ces évolutions, le monde politique et les médias ignorent tout simplement ces faits et les passent sous silence, et les personnes non vaccinées sont présentées comme un danger pour la collectivité, contrairement à ce que disent les études scientifiques. Cela montre qu'il ne s'agit en aucun cas de protéger la santé. Au contraire, l'objectif proclamé en avril 2020 par Bill Gates d'administrer un vaccin à toute l'humanité prime sur tout le reste. Mais avec quelles conséquences? Chers téléspectateurs, aidez-nous donc activement à diffuser ces informations importantes afin qu'un débat public attendu depuis longtemps devienne incontournable tant dans le monde politique que dans les médias. Maintenant, en 2021, plus de personnes sont mortes du Covid-19. Avec les vaccins, avec les thérapies, plus de personnes sont mortes en 2021 que pendant toute l'année 2020. Mais les médias se taisent. Ils n'en parlent pas. Ils détestent en parler. Citation de Donald Trump.